sabes que tengo que ir. No me volvió. Ahora sí, Mais peut-être avec les gens de la rue, avec le local à côté qui passe là, ouais. On n'a pas les mêmes, quoi. Ouais, c'est le premier qui dit. Ah oui, là, c'est le premier. Je vais voir devant. Eh bien, merci d'être venu à cette deuxième causerie qui est organisée dans ce local. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le CIRA, on en discutera après. Donc c'est un local que nous avons depuis peu de temps. Donc vous êtes les deuxièmes à participer, enfin vous participez à la deuxième conférence qui se passe dans ce local. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Juanito Marcos. Il devait venir avec Violette Marcos, mais qui n'a pas pu venir. Donc Juanito Marcos et Violette Marcos sont l'auteur de plusieurs livres sur l'histoire, surtout de l'exil espagnol. Donc ce livre est aujourd'hui on va parler plus particulièrement ils sont l'auteur de plusieurs livres sur les camps de Rivesal, parce qu'il y a plusieurs camps, pour discuter des autres bouquins, parce qu'il y a des choses intéressantes sur l'exil espagnol à Toulouse, tout ce qu'ils ont fait au niveau culturel. Et après, donc ce livre est publié par les éditions Loubatière, qui est un éditeur régionaliste toulousain qui fait beaucoup de choses sur régionaliste parce qu'il défend la région aussi. Quand je dis régionaliste, c'est régional. Oui, il est nuancé. C'est le régionaliste d'État. Mais qui a publié quand même des livres engagés, la preuve, celui-ci. Et sinon, la plupart des livres que vous avez, il y a des livres qui ont un rapport avec le sujet, il y a des livres... Voilà. Édition Le Coquelicot, dont Juanito est l'un des animateurs. Donc Le Coquelicot, c'était une revue toulousaine qui a existé de 1995 à 2000, je ne sais pas combien. Il est aussi éditeur. Donc là, il y a plusieurs livres qu'ils ont édités sur Francisco Ferrer, une réédition d'Almanach du Père Thénard. Bon, ça, on pourra en discuter des collectivités espagnoles. Et il y a un livre qui est en projet, c'est Les Mémoires de Cipriano Mera, dont tu me parleras, parce que tout le monde attend. Tout le monde l'attend. La souscription a été ouverte il y a quelques mois, et ceux qui ont souscrit, quelques-uns nous écrivent et nous demandent où ça en est. Donc aujourd'hui, Violette et Juanito écrivent ensemble. Violette est docteur en histoire. Elle a fait une thèse sur le parti communiste qui est l'anti-espagnol et l'antifranquisme. Et tu nous expliqueras comment vous travaillez ensemble. Je crois que toi, tu es plus la recherche de documents, la documentation, et elle, c'est plus la rédactrice. Donc je te laisse la parole. Elle aussi la recherche. Elle aussi la recherche. Donc j'en dis pas plus sur Alphonse Tricheux, puisque Juanito est là pour voir. Le bouquet, là, au départ, c'est. Le départ de ce livre, c'est un courrier que j'ai reçu, que j'ai reçu du CIRA de Mars de Lausanne, dans les années 2000, tout début des années 2000. Dans ses archives, elle a trouvé un courrier, une lettre qui datait de 1926, qui venait de Toulouse, qui était adressée à un copain de Genève. Tronchy, il s'appelle le copain. Et la question qu'il lui posait, après la réponse à la question qu'il lui posait, c'était comment ils faisaient fonctionner leur collectivité d'alimentation qu'ils avaient montée à Toulouse en 1926. Donc, et il fait une réponse de 8 pages. Dessus, il explique un peu comment ça fonctionne, donc, quel état il sent tout ça. Elle m'envoie ça, elle me dit, regarde, j'ai trouvé ça, essaye de voir, parce que ce personnage-là, elle n'avait rien que la lettre de, sur lui. Hein. Et moi, je ne le connaissais pas du tout, je suis de Toulouse depuis 1945, mais on, je ne connaissais pas que Tricheux. C'est une personne qui était disparue, et j'ai toujours traîné dans les milieux de l'hiver de Toulouse, donc quelque part, ça aurait pu réapparaître, mais comment on a disparu ? C'est un petit peu de connaissance. Et en commençant en travaillant sur le métro, les artistes dans le métro, j'ai commencé à trouver des choses sur qui il était, plus ou moins, le groupe dans lequel il était, les actions plus ou moins qu'il avait eues. Ensuite, il y a eu, et puis ce qui m'a aussi un peu, enfin, je pense que c'était relativement facile à trouver, puisque le métro rend compte, c'est les archives de la police. Quoi. Je veux dire, de suite, ça a été un truc. Et donc, on a commencé à fouiller dans les archives départementales, où il y a toutes les minutes du préfet, qu'ils appelaient, les minutes du préfet. Et là, il y a tout ce qu'on veut, quoi. On fait tout ce qu'on veut sur ce groupe-là. On fait tout ce qu'on veut, pardon, parce qu'on s'aperçoit après qu'il y a beaucoup. Et donc, on a commencé à fouiller ces archives-là. Et en fin de compte, Alphonse Tricheux, il a commencé à prendre un peu d'épaisseur quand même. C'était quelque chose de plus en plus intéressant. Hein. C'était alors complètement connu au bataillon à Toulouse, on ne connaissait pas du tout. Hein. Et plus on pouvait se chercher là, plus c'est devenu intéressant. Plus on percevait qu'il avait énormément compté sur Toulouse à son époque. Et il avait été très très présent. Donc on a commencé à constituer le dossier là-dessus. Bon, ensuite, ça nous a renvoyé quand même, parce que c'était sur le libertaire, entre les deux guerres, le libertaire, il y avait des articles qu'il faisait aussi. Et on a commencé à rassembler des éléments. Et ensuite, on s'est intéressé à sa vie privée, en fin de compte. Parce que s'il y avait la vie militante, on veut dire que les renseignements généraux de l'époque avaient su bien cadrer quand même. Parce qu'ils avaient... Et après, sa vie privée, ce qu'il était né, qu'est-ce qu'il avait fait de façon privée, comme ça, et qui il était. Et il a commencé à ressortir bon, le personnage, qui il était. Donc c'était Alphonse Tricheux, est né en 1080 à Lézignan. Et il s'est marié à Lézignan, il avait 20 ans, il avait déjà un enfant quand il s'est marié, ils ont eu trois enfants, avec une Paul Fabre, qui s'appelait, Paul Fabre. Et ensuite, voilà, plus ou moins dans les papiers de la police, on trouvait ça. Et dans un... Enfin, moi, je sors de Coquelin parce que il a une vie... Enfin, on a reconstitué sa vie, je veux dire, pas d'une façon linéaire, mais avec des bouts qui nous arrivaient comme ça. Après, le bouquin, il explique un peu mieux, mais moi, c'est comme c'est venu, en fin de compte. Dans les papiers des renseignements généraux de l'époque, on tombe sur une fiche, nous, et la Tricheux, une fiche individuelle, qui avait été arrêtée, enfin, qui avait été interpellée, Noëlla Tricheux. Alors qu'on savait qu'il n'avait que deux garçons. Donc il apparaît une fille du coup, comme ça, 20 ans, et qui déclare qu'elle était bien à la Havane. La Havane, ça y est, qu'est-ce que c'est ? Donc on a commencé à fouiller de ce côté-là. Et elle est née à la Havane en 1906. Ces deux garçons étaient nés, un en 1903 et l'autre en 1904. Donc elle est née en 1906 à la Havane. Dans ce qui voulait dire qu'ils étaient partis à Cuba en 1950, comme ça. On a fouillé sur Cuba, on a essayé de trouver des choses, on n'a pas trouvé grand-chose sur Cuba parce que c'est très difficile. Les archives ont disparu et puis à cette époque-là, les années 1900, c'était au moment de l'indépendance de Cuba, avec les Américains, tout ça, en 1889, quand il y a eu l'histoire du bateau, on a pu couler dans le port de la Havane, tout ça, donc c'était quand même une période assez trouble, tout ça. Donc on n'a pas trouvé de traces directes de ce qu'il a pu faire là-bas. Mais par contre, on est allé pour savoir un petit peu comment ils étaient partis, parce qu'en 1900, ils ont 20 ans tous les deux, ils ont deux gamins, et tout petits, comment ils sont partis, ils ont pu partir à Cuba, quoi, c'est pas... Donc on a essayé de trouver la trajectoire. Et en fin de compte, ils ont dû partir à Cuba, à partir du Havre, parce que c'est de là que partaient les bateaux de la compagnie maritime qui faisait la remelque du Sud. Et donc, en fouillant dans ces papiers-là, on est tombé sur le... un retour d'Alphonse Tricheux à Cuba en 1910. Donc il est revenu en France à un certain moment, tout seul, et il est reparti à Cuba en 1910. Et pratiquement, c'est tout ce qu'on a sur Cuba, directement sur cette famille-là. Bon, du coup, on a l'endroit où ils habitaient à Laval, on a le numéro de la porte et le nom de la rue. Ce qui faisait un petit peu, ça a été transmis, ça nous a été transmis par un petit-fils, qui disait qu'il travaillait à l'ambassade comme secrétaire et Paul le Tricheux comme cuisinière, même sans plus. C'est possible. Alors que c'est à Cuba, à ce moment-là, il y a énormément de luttes, tout ça. Il y a toute la mainmise du capitalisme américain sur le tabac, sur la canne à sucre, tout ça. Il y a de grosses luttes ouvrières, enfin, ou paysannes, c'est très important. Il y a énormément d'Espagnols qui vont là-bas parce qu'ils sont pour chasser en Espagne, donc ils vont à Cuba, tout ça. Donc c'est... Mais politiquement, c'est pas ce qu'il fait là, à Cuba, c'est pas. Et il apparaît, alors du coup, on apprend ça quand la fille est née, donc à Cuba. Et on apprend, en fin de compte, en fouillant les papiers administratifs, en fin de compte, à Toulouse, qu'un de ses fils s'est marié à Toulouse en 1920. Donc ça suppose qu'en 1920, ils étaient déjà à Toulouse. Bon, mais rien de plus, ils étaient à Toulouse. Et dans tous ces papiers des renseignements généraux, il s'avère que toute la famille, les parents et les trois enfants rentrent dans le groupe anarchiste qui est à Toulouse. C'était le groupe d'études sociales. En 1923, ils sont déjà fichés dans ces papiers-là. On ne sait pas ce qui s'est passé entre 1920 et 1923. Ils commencent à être fichés et contrôlés par la police. Et à partir de là, ils changent le nom du groupe, puisqu'ils étaient, on va dire, peut-être majoritaires, je ne sais pas, mais enfin, aussi ça rentre dans la symbolique de l'époque. Le groupe devient un groupe Bien-être Liberté. Et donc, le groupe fonctionne un petit peu, enfin, il fonctionne. C'est un groupe qui existait déjà, hein, et avec même, bon, on retrouve dans les c'est pas toujours ces papiers de la police, là, des militants d'Amalayer 14, qui avaient formé à Toulouse un groupe qui s'appelait les Vengeurs, et certains survivants de cette période-là, d'Amalayer 14, des années 1890, réapparaissent à ce groupe-là. Donc le groupe est constitué, et ce groupe ensuite, il commence à avoir une vie militante sur Toulouse, une vie de, bon, je pense, parce que les deux, en fin de compte, dans le livre, ce qu'on a voulu faire apparaître, c'est l'histoire de cette famille, en fin de compte, c'est une famille, il y a 5 personnes, plus tous les militants qu'il y a, mais c'est quand même 5 personnes, et l'évolution de la ville en même temps. Parce que Toulouse, c'est, je ne sais pas, je ne connais pas trop ailleurs, hein, mais Toulouse, au départ, c'est une ville très paysanne, hein, c'est rural, c'est la campagne pratiquement qui fait vivre la ville de Toulouse. Et après la guerre de 14, il y a l'industrialisation qui apparaît, l'aviation, enfin, la chimie, le textile, il y a des petites entreprises qui apparaissent. Et donc la ville commence à s'industrialiser et elle commence, on va dire, à se moderniser. Ce qui n'était pas... Donc, Tricheux, c'est deux histoires parallèles, en fin de compte, jusqu'aux années 39-40. La famille Tricheux et l'évolution un peu de la ville. Et en même temps, l'évolution de la ville, c'est l'évolution des partis politiques. À cette époque-là, au début, dans les années 20, c'est les radicaux de gauche. Donc, ils appellent les radicaux socialistes. Les radicaux socialistes, parce que chaque fois, je peux la gauche la soulève. qui tenait la ville. Et c'est l'arrivée, plus ou moins, de la SFIO, qui arrive, la SFIO, la construction du Parti communiste dans les années 20. Et ce groupe libertaire, anarchiste qui existe, qui, pendant un certain temps, ils font jeu égal, on va dire. Après, bon, les choses évoluent, tout ça. Et donc, ce groupe-là se retrouve assez, c'est un groupe très dynamique, qui a un engagement politique et militant très fort, hein, qui fait énormément de conférences. Et Sébastien Faure, c'est son pays de prédilection, hein, c'est passé fort, ils font un travail énorme de propagande comme ça, dans Toulouse, il y a des petits villages d'environ, dans l'île de l'environ Toulouse, et en même temps, ils se construisent en même temps, parallèlement, plus ou moins, avec le Parti communiste et le Parti socialiste. Et donc, par un certain temps, toutes les bagarres qu'il y a sur Toulouse, plus ou moins, soit locales, soit internationales, comme l'affaire Sacco-Vanzetti, comme les affaires beaucoup plus porté sur l'Espagne avec Matteo et Nicolas, ceux qui avaient tué Date, tout ça, il y a tout un travail de solidarité qui se fait par rapport à ça, ça se fait pratiquement à force égale, je veux dire, en présence militante, avec le Parti socialiste et le Parti communiste. Et ça va durer jusqu'aux années 30, on va dire, à peu près, parce que plus ça va, les socialistes, la SFIO, finit par prendre la mairie, donc il commence à se retirer un petit peu de lutte un peu dure, si on peut dire. Hein. Et le Parti communiste prend de plus en plus d'importance, hein, plus, à travers la CGT, puisqu'à Toulouse, il y a deux CGT à ce moment-là, comme partout, hein, la CGT et la CGTU. Ils sont dans le Parti communiste est dans la CGTU, mais ils ont quand même pas mal de liens sur le. Et, la CGT avait plus ou moins appuyé par la SFIO. Et ce groupe-là est dans toutes ces bagarres. Ils sont dans des bagarres syndicales, parce que c'est vrai que c'est un groupe qui n'est pas trop nombreux. Ils sont une quinzaine, en gros, ça dépend de la période, ils sont une quinzaine. Et c'est quand même des gens, ce qu'on remarque aussi dans les fiches de police, c'est que tous ils travaillent, il n'y a pratiquement pas de chômeurs, ils sont tous au boulot, on va dire. Donc ils sont pratiquement tous syndiqués aussi, hein. Ils sont syndiqués, surtout à la CGTU, puisque la CGT commence à... sortir un peu de ces trucs entre... et jusqu'au moment où la CGT-SR, hein, la CTSR, c'est révolutionnaire, et là pratiquement tous les militants qui sont à la CGTU passent à la CGT-SR de ce groupe là et c'est un groupe qui fonctionne comme ça jusqu'en 39 et pour revenir à Trichet au groupe en 36. Pratiquement toute la famille Tricheux, toute la famille Tricheux, ça m'en espagne. Il s'installe à Puchardat, dans la commune de collectivité qu'il y avait à Puchardat, et il reste là jusqu'aux années, jusqu'en 37, puisqu'en février 37, c'est à Puchardat que rentre la reprise en main de la Catalogne, des autorités catalanes, enfin, l'autorité de la généralité qui reprend le pouvoir en Catalogne. Et à Puchardat, ils commencent à faire les premières épurations, on va dire, parce que là, il y a trois anarchistes qui sont assassinés à Puchardat au mois de février. Eux, ils sont, en tant qu'étrangers, ils sont expulsés, ils sont obligés de quitter le territoire, et ils vont vivre à Narbonne. Ils passent à Narbonne presque 2 ans. Ce sont là. Ensuite, après la guerre, enfin, je veux dire, pendant la guerre, on n'a pas trop de choses, on n'a pas trouvé grand-chose, parce que... Je pense que, bon, après c'est des problèmes de toute la guerre, je pense que les archives ont disparu à Toulouse, où elles ont été centralisées à Paris. Et ensuite, ces archives-là, c'est quand même, c'est une histoire aussi un peu parallèle. Hein. Les archives qui étaient à Paris ont été récupérées par l'armée allemande, et elles ont été envoyées à Berlin. C'est-à-dire que Berlin était au courant de tout ce que la police française pouvait contrôler sur le territoire. Et quand les Russes sont rentrés à Berlin, ils ont embarqué les archives, et ils les ont menées à Berlin. Et ces archives-là, elles ont été rachetées par la France, parce qu'après... Elles sont revenues à Fontainebleau. À Fontainebleau, mais la France les a payées. Je suis allé à Fontainebleau, là-bas. Et les a payées, elle a récupéré les archives, leurs archives de 40, elle les a payées. Et alors moi, je suis à Fontainebleau, et c'est là que j'ai trouvé que toute la famille Tricheux était sur le carnet B, là, ils étaient tous fichés antimilitaristes. Mais par contre, il y a les carpettes complètement vides. Il y a le noir, mais dans la carpette, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que chaque pays a fait son tri... Voilà, tu peux... Et donc, je ne sais plus où j'en suis. La guerre. Oui, donc, pendant la guerre, on n'a pas trop de... En termes de documents comme ça, on n'a pratiquement pas de documents. Après, dans les témoignages qu'on a pu retrouver, parce qu'il y a eu quand même des gens qui se sont rappelés qu'ils avaient commis Tricheux, tout ça, tout ça. Et il y aurait eu, on va pas dire un transfert d'armes, mais une circulation d'armes quand même pour l'Espagne. Ils ont quand même participé à faire passer des armes en Espagne pendant la guerre. Et il y a eu une solidarité qui se jouait sur les camps et tout ça, quoi. Il y a eu quand même tout ça. Mais par contre, d'une manière très officielle, apparaît de nouveau la famille Tricheux en 1943, quand se reconstitue en France l'Union anarchiste. Et ça se passe chez eux. Avec d'ici à Rue, il y a Rue qui vient aussi. Et avec Pauline, il accompagne chez lui, il y a la reconstitution de l'Union anarchiste. Et après la guerre, bon, après la guerre, il y a le gros problème qu'il y a en Espagne, parce que c'est presque celle de la plus révélateur, en gros, des gros problèmes qu'il y a à Toulouse après la guerre, c'est que les Espagnols sont très nombreux. Et donc, le groupe anarchiste français, il est un peu, d'une certaine manière, ils sont, pour certains, hein, quand, qui sont prête-nom à plein de choses, hein, tous les journaux, des choses comme ça, hein, tous les locaux, tout ça. Et ensuite, la pression des anarchistes, en tout cas de la société espagnole, est tellement forte qu'ils sont un petit peu absorbés. Quoi, hein. Donc le groupe disparaît, plus ou moins. Et ensuite, il y a ce que nous a dit, mais ça c'est tout à fait un copain à tricheur qui vit encore, hein, qui était bien plus jeune que lui. Il y a eu le coup d'état de Fontenis, qui a fait exploser le groupe de la Fédération anarchiste qui est à Toulouse. Et donc il y a une dizaine d'années comme ça qui sont plus ou moins perdus en termes d'organisation, quoi, hein, parce que déjà ils étaient là. Et après, bon, tricheux, il commence à revenir, il est en 1880, dans les années 50, déjà, il commence à prendre de l'âge, je dirais. Et donc, les gens qui l'ont bien connu, à Tricheux et à sa femme, à Paul, ben, ils parlent de personnages vraiment hors du commun, quoi. Des gens très solidaires, très, très amers, très solidaires, quoi. Des gens très simples mais très solidaires. Vraiment, ils ont vécu pour ce qu'ils avaient choisi de faire, quoi. Ils ont vécu vraiment pour ça. Hein. Ils ont fait toute l'histoire de la guerre, la solidarité, tout le monde est passé chez eux. Ils ont aussi adopté un enfant hongrois, dont les parents sont venus en Hongrie en 24, je crois, les parents, avec le petit, il avait 8 ans, les parents sont morts pratiquement tout de suite de maladie, et l'enfant, ils l'ont adopté. Et actuellement, il y a une famille à Toulouse qui s'appelle Popov Tricheux. Et c'est les descendants de cette famille qui l'avait accueilli. Donc c'est des gens très solidaires. En gros, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, c'est cette famille, 5 personnes qui ont vraiment milité, qui se sont données pour les idées et tout ça, hein, qui ont vraiment fait un travail de solidarité. Bon, il n'y a pas que, hein, il y a des gens comme dans ce groupe-là, il y a les gens comme les frères Lyon, qui ont monté les primeries, là, qui sont aussi plus ou moins dans le groupe. Ce sont au départ aussi des libertaires, après. Hein. Il y a aussi un groupe. Ah oui, et pendant la guerre, ils ont fait énormément de choses. Hein, au point qu'ils ont été arrêtés par la Gestapo et envoyés à Dachau, je ne sais pas, enfin, entre l'Allemagne, ils ne sont pas revenus. Quoi, hein. En plein anecdote, entre autres, il y avait Segui. Il était apprenti dans l'imprimerie, Segui. Ah oui. Et il s'est retrouvé lui aussi, mais il n'était plus jeune, il n'était plus résistant. Je peux dire. Et il y a aussi un autre militant très très important aussi à Toulouse, mais bon, c'est en plus, ce qui est intéressant et ce qui nous a aussi intéressé, c'est que c'est pas quand même des phénomènes, ce sont des gens ordinaires, hein, qui ont œuvré, qui ont fait des choses, tricheux comme un peu moins Paul, mais ils ont écrit à des journaux, ils ont participé à des congrès, ils ont monté la fédération du Midi qui a été montée entre les deux guerres, enfin, il y a eu un boulot militant très fort, hein. Mais bon, voilà, une fois qu'ils ont disparu, qu'ils sont morts, c'est assez curieux, quoi, hein, qu'il n'y ait pas eu, alors qu'on nous sort toujours dans 4 ou 7 titres, 4 ou 7 noms, là, qui nous tombent dessus, mais on n'a pas... Et entre autres, là, il y a aussi, dans ce groupe-là, il y avait André Galli, qui s'appelait, c'est un prof qui a déserté pendant la guerre de 14, il était ainsi, donc quand il est rentré après la guerre de 14, quand il a été amnistié, Jean Galli, pardon, André Galli, non, je comprends pas, il a rentré aussi. Il a déserté, il est parti à Barcelone pendant le 14, vers le 14 il a déserté, et quand il a été condamné à 2 ans de prison, comme tous les déserteurs, au bout d'un moment, il n'a pas pu revenir à l'éducation nationale, donc il a été prof dans les écoles de curés, quoi, comme c'était quand même bizarre. Mais c'était un érudit incroyable. Les gens, comme il était quand même un peu plus jeune que Tricheux, il y a des gens qui l'ont connu après. Il faisait après la guerre, il a fait des conférences et tout, mais avait un niveau très, très... Et il est devenu, ce Jean Galli, il a été secrétaire général de la Société Astronomique de Toulouse. Donc, dans ce groupe-là, il y avait quand même des gens très intéressants. C'était un groupe assez... Enfin, très intéressant. Et donc, ce qui est original, c'est quand même que c'était une fête. Oui, c'était une famille. Le groupe, c'était la famille. Et le père, la mère, les 3 enfants. Donc, c'est sûr qu'il devait mélanger. Enfin, je ne sais pas si tu as des éléments où est-ce que la vie Et ça se passait. Effectif, tout ça influençait, même par rapport aux autres membres, aux autres anarchistes, est-ce que d'avoir une famille, ça ne faisait pas fuir les autres s'il n'y a que oui. pratiquement. Quoi, le problème, c'est que les seuls documents qu'on a, c'est le racisme. Les flics. Comment dire, les intérêts qu'on a pu faire de gens qui l'ont connu, c'était souvent, en tout cas, c'était la famille. Donc, mais quand même, c'était. Le couple, c'était quelque chose d'important, quoi, je veux dire. Parce que, en termes, parce que après la guerre, dans les années 40, les gens qui ont connu la famille Trichu, ils n'ont connu que le père et la mère. Les enfants ont disparu. Ils n'ont plus milité. C'est-à-dire, quand les parents n'ont plus milité, parce que pris par l'âge, en fait, ils étaient moins présents dans les discussions, tout ça, les enfants, ils ont disparu. Donc, c'est-à-dire que les enfants qui, dans les années 50, étaient 60 ans, enfin, 50-60 ans, ils ont pratiquement plus mérité après la guerre. Mais c'est que les enfants, par exemple, il y en a un qui a été enfermé à le camp de Noé, à Toulouse, parce qu'ils étaient tous fichés 28 ans, etc. Il y en a un qui a été enrôlé par le STO, qui s'est retrouvé dans l'Isère, enfin, pour construire des barrages. Il y en a un qui a été condamné aussi pour trafic d'armes pour la révolution espagnole. Je veux dire, il y a eu des choses comme ça. Quand c'était les enfants étaient très engagés. Mais dès que les parents ont arrêté de très très présents dans les réunions, tout ça, ils ont disparu du mouvement. Tout ça. Ce qui fait que les enfants étaient en limite au moins connus que les parents, après la guerre. Et donc, nous, le bouquin, notre truc là-dessus, sur la famille, très présente, comme tout se passait pratiquement chez eux, quand ils n'avaient pas d'argent pour payer le local pour les réunions, ils allaient chez les tricheurs, ça se passait. Et la police a un rapport toutes les semaines, il y a 20 lignes, 30 lignes sur ce qui s'est dit à la réunion, qui était présent, l'argent qu'ils ont récolté, et ce qu'ils avaient l'intention de faire. C'était très administratif. Il n'y a rien au niveau de tel était comme ça, non, c'est tout administratif, bref, tout ça. Oui, vraiment, il y a énormément de choses à ce niveau-là. Et donc, et la famille Trichu, à toutes les sauces, quoi. Ils sont toujours là. Il n'y a jamais une réunion où il n'y a pas les Trichu. Des fois, ils disent, la police fait un compte rendu, disant, mais un tel n'est pas venu. Mais pour ce qui est des Trichu, ils sont là. Ils ont milité, vraiment. Toute leur vie, ça a été ça. Donc, ce qui nous laisse entendre que certainement qu'à Cuba, ils ont dû être plus présents que ceux qui dans le sort. Et donc, après, pour le bouquin, on l'a écrit comme ça, avec les informations de la police, avec un petit-fils de Tricheux qui nous a un petit peu expliqué comment il s'était retrouvé à Pulcherda, lui, il avait 11 ans. Et dans quelle maison, il s'est dit, on est arrivé dans un palais, c'était un palais d'Alfonso XIII, il disait, moi ce qui m'a surpris quand je suis rentré, dans la chambre des enfants, il y avait une tente d'Indien. Donc voilà, et c'est le seul contact direct qu'on a eu sur la famille. Et dans le livre, il est sorti déjà l'année dernière, il y a 15 jours, on a reçu un coup de téléphone d'une personne qui habite à Toulouse, qui nous appelait en disant, voilà, j'ai mon fils qui habite au Luxembourg, il a appris qu'il y a un livre qui est sorti sur Alfonso Trichu, parce que Alfonso Trichu, c'est mon arrière-grand-père. Donc on est allé retrouver cette dame-là, qui a une cinquantaine d'années, et qui nous a sorti tout le courrier, le truc, on a appris plein de choses on a appris qu'on ne savait pas. Et c'est vrai qu'on s'est été parti sur elle, sur son histoire familiale, ça aurait été certainement un autre bouquin. Ça ne tient pas à la chose. Donc on a appris qu'ils ont vécu, parce que quand ils sont partis du Pulcherda, on supposait, comme ils étaient en 37, comme ils n'apparaissaient pas à Toulouse dans les fiches, ne serait-ce qu'administratives, parce que où ils habitaient avant, parce qu'ils avaient une maison, ils avaient une maison, on supposait qu'il avait vécu à Narbonne. Et en fin de compte, oui, parce qu'il écrit depuis Narbonne, il dit on m'a fait des vendanges, parce qu'ils n'avaient pas le sou, quoi, je veux dire, c'était déjà. On m'a fait des vendanges, il explique un peu, et tout ça. Donc on a appris. Et ce dont on a appris aussi, c'est d'autres choses, c'est qu'ils ont un courrier d'Alphonse Tricheux de 1954, qui dit je vais faire mon baptême de l'air. En 1954, au mois d'août, et je m'en vais à Alger. Alors là, il y a un truc. Parce que. Et c'est eux qui ont fait le rapprochement, hein, parce qu'ils ont fait quand même des recherches aussi de leur côté, hein, sans savoir que... En août 1944, la Fédération communiste libertaire a envoyé une équipe à Alger. Il y a un texte dont le seul nom qu'ils donnent dans ces groupes, dans ces gens qui sont partis à Alger, c'est Alvaro, c'est un Espagnol. Alors on se dit, mais il avait en 1954, il avait 64 ans. Oui, puisque même pas 64. Il fait son baptême de l'air, il s'en va à Alger. Ben, ça paraît un peu bizarre, quoi, hein, parce qu'en 1980, on fait un baptême. À la limite, Toulouse, il y a une piste d'aviation, là, petite, tu fais un petit tour et tu reviens. Non, on est intéressé de voir si vraiment il n'est pas parti à Alger pour des raisons politiques. Enfin, politiques, quand même. Parce qu'ils ont remonté, là, ils ont essayé de remonter, ils ont remonté, ils sont remontés, un groupe anarchiste qui avait Alger. Voilà, il y avait ça. Et ensuite, on fait et plein de petites choses comme ça, que si on avait su, ça aurait vraiment plus. Et ils nous ont fait passer un courrier, mais là, on remonte vraiment dans les trucs. C'est la mère Tricheux, Alphonse Tricheux, l'une des 280, sa mère, qui demande à la société des déportés, est-ce qu'ils renvoient les livres qu'elles avaient eu, tout ça. Parce que son père, cette femme-là, c'est une déportée, c'est un déporté de 1948. Donc c'est toute une, voilà, c'est toute une famille comme ça qui viennent de très très loin dans cette construction de la... Voilà. Tu n'as pas été à Cuba ? Non, mais il n'y a pas... Non, je n'ai pas été à Cuba. Hein. Mais non, il paraît qu'il n'y a plus d'archives, il n'y a plus rien. Il y a un gars là, Franck Hernandez, qui a écrit un bouquin sur Cuba là. Sur le mouvement anarchiste à Cuba. Donc on a eu contact avec lui, mais il ne parlait que d'espagnol, que du Québec. Voilà, c'est ça. C'est une famille. Alors comme étant oublié, encore une fois, plus personne, il y a 3-4 personnes encore à Toulouse qui ont les 80 ans, qui se souviennent, surtout de Paul, il paraît que c'était extraordinaire comme femme. Mais alors que c'est des gens qui pendant 25 ans sur Toulouse ont tenu ce groupe-là, l'ont fait fonctionner, l'ont alimenté par des actions, enfin, par un travail de groupe. Hein. Ils ont fait venir un tas de gens. Et, enfin, de l'extérieur pour des conférences, ils ont monté enfin, la fédération du midi qui s'est montée. Dans les billets, là, il en parle. Ah mais ça c'est le congrès de l'UA. Comment ? Le congrès de l'UA, non, tu sais. Non, c'est avant. Non, il n'y a pas le temps. Super. Donc, ce qui est intéressant, c'est à travers l'histoire d'un militant, que vous avez essayé de retracer l'histoire de... du militantisme anarchiste sur la ville de Toulouse entre les deux guerres. Oui, oui. Avec les organisations de l'époque, l'Union anarchiste, les syndicats, le mouvement syndical et puis les campagnes contre l'armée, pour la non-exécution de Sacco Vanzetti, toutes ces campagnes-là. Quoi. Oui, oui. Donc il a fallu sûrement dépouiller la presse de l'entre-deux-guerres. Oui, tout ce qu'il y a à Toulouse. Il y a à Toulouse à l'époque, il y avait la Dépêche et le Midi Socialiste. La Dépêche, déjà, c'était le journal des radicaux socialistes, bien tenu déjà, un peu comme on la voit actuellement, hein, en gros. Et le Midi Socialiste, c'était le journal qui était alimenté un peu, enfin, en tout cas, le journal du parti de la SFIO. Donc, à cette époque-là, comme ils étaient minoritaires et en opposition, était un journal c'est radical. Et là, dans ce journal-là, il passait pas mal de choses sur le groupe. Ils annonçaient des conférences, il y avait des conférences, les conférences de Sébastien Pont étaient très... Elles se passaient où, ces conférences ? Mais ça dépend. Dans les cinémas, dans les bars, ça dépend. On sait combien il y avait de personnes ? À un moment donné, je me souviens de... compte rendu de la police et même le flic qui fait compte rendu ou le gars le flic il dit qu'il s'était enthousiasmé par le contenu de la tenue de la conférence et il parlait de 1700 personnes. Ouh, bon, il faut dire que cette époque là il n'y avait que ça, hein. Je veux dire c'était plus entre guillemets parce que aussi c'était plus simple, hein. Il n'y avait pas trop de bagarres entre entre les groupes. Entre les groupes. Enfin, entre les groupes. Mais cette époque-là, c'est Toulouse, il n'y avait pas d'électricité, par exemple. Les réunions se faisaient de ça. Les moyens de transport, ils étaient quand même assez réduits. C'était pas bon. Les gens, ils étaient pas riches. Hein. Quand ils faisaient des caisses, après chaque réunion, pour avoir un peu de sous, ils faisaient des. Mais il y avait l'enthousiasme, oui, sûr qu'il y avait. Et c'est vrai qu'il y a eu toutes ces bagarres. Le 11 novembre, c'était une bagarre antimilitariste. Hein. C'est là que s'est arrêté la Nouvelle, le 11 novembre, hein, avec sa pancarte antimilitariste. C'est là qu'il y a eu des planques. Et il y a eu toute la bagarre de Sacco et Vanzetti qui, au fil du temps, c'est plus ou moins perdu, je veux dire, au niveau du collectif qui s'était créé. C'était récupéré par le Parti communiste, la lutte pour Sacco et Vanzetti. Ben oui, mais après, ils l'ont récupéré pour après la. Ils avaient créé c'est pour dire que cette époque-là, ils avaient créé un collectif, la SFIO et le Parti communiste et le groupe Bien et Liberté, qui s'appelait Pro Justicia. Ah mais ça, c'est pas le cas, c'est pas ici. Ils avaient créé un groupe Pro Justicia pour dénoncer tous ces trucs qu'il pouvait y avoir, quoi, que ce soit sa communauté, que ce soit les exécutions en Espagne et tout ça. Et en 1924, le groupe Bien et Liberté, il s'est présenté aux élections législatives à Toulouse. Et ils ont. Bah alors, ça s'est à vérifier, ça ne s'est pas passé ailleurs en France. Hein, parce qu'ils reçoivent une affiche de Paris, qui est là, que j'ai retrouvé aux archives départementales. Une affiche, ils se présentent aux élections législatives pour dénoncer les 100 000 personnes qui étaient en prison à cette époque-là en France. Il y avait 100 000 personnes en prison. Et donc, il y a toute une affiche qui fait. C'est énorme, hein. C'est encore une fois. J'ai des grands formats. Des moyens pour les transports et tout, ça les ont fait quand on a. Et une belle affiche. Donc, c'est une profession de foi, en fait, de compter. Et donc, là-dedans, il y a trois personnes qui sont mises en relief, on va dire. Donc, entre les trois, il y a une femme qui sont mises en relief. Alors, pour dénoncer ça, les 100 000 personnes en prison. Et c'est là qu'il y a un clash, un des premiers clashs avec le collectif. C'est-à-dire que les socialistes et communistes, ils disent d'accord pour la libération, mais rien que pour les politiques, pas pour les sociaux. Et là, il y a un clash, là, une séparation. Il commence à avoir un clash avec le collectif. Et donc, c'est vrai qu'après, moi, j'ai pas fait de recherche, on aurait. Mais je ne sais pas, cette affiche est de Paris, non pas que de Toulouse, hein. Si ça n'a pas été envoyé dans les autres. Bien sûr. Bon, ça vérifie bientôt. Et pour l'antimilitarisme aussi, ça me vient de tout à petit, ça va comme ça. Alphonse est tricheux, il passe 8 mois depuis février, depuis Saint-Michel, dans la prison de Toulouse. 8 mois. Il est condamné pour antimilitarisme, c'est une avocate de Paris qui vient le défendre. Une avocate. Certainement de l'organisation, plus ou moins, de l'organisation qui devait défendre les copains quand ils étaient condamnés, enfin poursuivis, qui vient de défendre, et il prend 8 mois de prison pour antimilitarisme. Et toutes les semaines, ils avaient droit à la visite des parents, la famille elle venait le voir le dimanche à la prison Saint-Michel avec des copains. C'était lui qui écrivait les tracts, il ressortait le tract, et ensuite il distribuait les tracts, enfin, c'était comme ça se passait, c'était lui qui les faisait. Et il a écrit. Voilà. Pendant qu'il était en prison, il remenait des journaux et lui, il faisait des découpages. Il a fait un livre comme ça. Pendant un certain temps, il a découpé des articles qu'il trouvait dans la dépêche de l'Union socialiste. Il a découpé. Et ce qui apparaît dans ce livre qu'il fait, ce collage, parce que c'est en fin de compte, c'est quand même un livre, ce qui apparaît, c'est qu'il est. Enfin, en tout cas, ce qui fait ressortir, c'est la misère sociale qu'il y a à Toulouse. Tous les articles, c'est ça, les meurtres, la difficulté de vivre, tout ça. Fait un bouquin, de collage comme ça. Tu l'as vu où le bouquin, c'est son petit-fils qui en a fait une photocopie et qui nous l'a donné. Le bouquin, il était dit justement à ce petit-fils, à Floral, qui s'appelait, et il avait écrit un poème. Sur la garde de Paris, je le garde, il avait écrit un poème pour son petit-fils. Je ne vais pas lire, je ne le vois pas. Alors, je crois que ça me va. À mon petit Floréal. Qui sera oiseau-là si tendre l'avenir? Non, que sera oiseau-là si tendre l'avenir que tu connaîtras? Moi, je voudrais que tout soit cendre les jours maudits où je t'écris. Plus heureux que ceux qui t'aimèrent, verras-tu les humains joyeux aller dans la vie sans barrière, le cœur léger, l'amour aux yeux. Ça arrive. L'anarchie sera-t-elle tienne? Mes neveux auront-ils rompu ce qui faisait de nous des hyènes, c'est le souhait de bon papa pour que soit heureux son petit gars. Mais ça résume bien la personnalité, parce que toute sa vie, c'était ça, c'était un gars très... Ça n'a ça pas, pas été un violent, quoi. Ça, le groupe de Toulouse n'a jamais été un groupe violent. Il y a jamais tu as parlé, tu dis qu'il y avait des affrontements, qu'il y avait des bagarres au... Il y a dans les témoignages des manifestations antimilitaristes, tout ça, il y a des bagarres. Oui, il y a des bagarres avec c'est l'époque des Rosecross. Ah oui, les camelots du roi, tout ça là. Okay. C'est pour que là, il y a des bagarres, si voilà. Mais eux, ils c'est pas des héritiers de. Mais par contre, c'est pas les héritiers de 1880 de la bande à Bonne, tout ça, mais lui, il est condamné sur les lois anti-sédératives. Il est condamné sur ce régime-là. Peut-être, Sylvie, tu as des informations sur qui a bien connu Haru, et qui, donc, sur les rapports entre Haru et Trichot, tu les as appris dans ce bouquin, ou tu les connaissais déjà? Oui. Oui, non, mais je pense que c'est nous qui avons parlé. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que dans ce groupe, il y avait également une préoccupation chez certains, c'est les membres du groupe de Toulouse, en tout cas de celui de Tricheux, il y avait des préoccupations, c'est quand j'ai entendu bien-être et liberté, donc de végétarisme, de vie harmonieuse, et notamment le pré-congrès, enfin, congrès clandestin, rencontre, on va dire, l'alimentation, enfin, le repas était vraisemblablement végétarien. Et alors, il faut que je retrouve, il y avait un copain qui s'appelait Étienne. Oui, Étienne Guillemot. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler quand on passait avec André chez René, Marcel et Cravé, donc qui est. Et parce que Étienne, petit à petit, s'est détaché de ce milieu parce que tout le monde n'était pas devenu végétarien et il ne supportait pas. Et voilà, il y avait donc tout un. J'ai entendu parler souvent, seulement avec les prénoms d'ailleurs, de copains où moi j'étais. Anecdote, mais ce n'est pas anecdotique. Quand André et Étienne, notre Étienne, donc, étaient en prison à la prison Chabre, ils recevaient des colis de Marcel et René le Claré. C'est comme ça qu'ils ont pu tenir. Il n'avait rien à bouffer. Hein, à Marseille, peut-être pas les pires sur le plan de gérer la violence des gardiens, parce qu'il y avait même avant des aménagements. Comme sur le plan de la bouffe, déjà la plupart des gens crevaient de faim à Marseille et en prison encore plus. Voilà. Mais c'est. Finalement, ce que j'ai ressenti, c'était cette chaleur de ce groupe. Et. Bon, qui. Un petit peu aussi comme à Bordeaux, avec aussi des relations entre des copains qui n'avaient pas tout à fait la même sensibilité, mais qui, comme tu disais, qui n'en étaient pas moins solidaires et puis qui se battaient ensemble. Voilà, un petit peu comme à Bordeaux aussi, en tout cas un certain temps, dans cet état d'esprit, où on n'est pas dans le même courant, mais on se perçoit quand même suffisamment comme un art pour s'entraider. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sur Tricheux, sur le mouvement à Toulouse, sur Toulouse, sur l'exil espagnol des... Une précision peut-être par rapport au végétarisme militant d'Étienne Guillemot. Il était persuadé que son chien était végétarien. En rentrant au Zita, lui, il connaissait sa confiance. C'est Rosa qui connaissait très bien Paul Tricheux. Elle disait, mais... Tricheux, c'était quelqu'un, un personnage, c'était... Mais si vous avez connu sa femme, il nous disait, sa femme, c'est quelqu'un. Et qu'on a retrouvé ensuite, quand on a revu cette arrière-petite fille de Tricheux, on nous disait que dans la famille, l'image de la grand-mère, c'est quelque chose de terrible. Enfin, de très, très porté, quoi. Elle est morte pendant 3 ans, non ? Et Trichet est mort en 57, je crois que sa femme, 2 ans après, et ces deux garçons, ils sont morts tous les deux pratiquement en même temps, en 62, dans la même année. La fille elle a vécu jusqu'en 88, elle a vécu beaucoup plus. Alors, il y a cette... C'est difficile à décrire, parce que pour décrire un peu plus de personnages de Trichet, il aurait fallu avoir des rapports, des relations plus... Même avec son arrière-petite fille-là, bon, ça, si pour elle, ça vient de loin, bien que ça a été bien transmis dans la famille, ce qu'était le Trichet. Elle nous a dit des choses, et nous, on l'avait pratiquement maté, le personnage, enfin, on l'avait imaginé. Et on s'est aperçu que ce n'est pas du tout ça, quoi, même le contexte. C'était beaucoup mieux que ça. Par exemple, dans le bouquin, on en parle un peu, on se posait la question s'il allait au théâtre. Et elle nous a dit, mais tout le temps, il a mené les petits-enfants au théâtre. Au théâtre Capitole, il était toujours là. Et au paradis, là-haut. Je crois que l'anecdote qu'elle nous a dit, il nous a dit, quand on était là-haut, enfin, pas elle, puisqu'elle n'était pas née, mais ses parents, elle, ils disaient, regardez, ils sont pleins d'argent, c'est qu'ils sont mis sur les chauves. Donc... Mais c'est des choses comme ça qu'on n'a pas pu trop mettre trop de chair autour de Trichet. Et pour le peu qu'elle est sortie, c'est vrai que... Et puis, je crois que c'est les gens qui avaient fait sa nécrologie dans le Libertaire, c'est quand même... Moi, ce que je ressens avec tout ça, c'est qu'en définitive, dans le mouvement Libertaire, c'est avec des gens comme ça qui existent. Hein. Et malheureusement, il y a très très peu de traces. On passe à côté de... Alors c'est vrai aussi que quand on... Bon, par exemple, André, il a pas écrit sa biographie, mais heureusement, il avait une habitude de tenir un journal. Donc, même pour des périodes où je ne connaissais pas encore, j'ai pu avoir des éléments. Mais la plupart du temps, quand on demande au beau-père de faire au moins une courte biographie, la plupart du temps, je dis ça parce que... On avait discuté avec Marc Prévotel et puis encore récemment avec aussi Pierre de Sommermière. La plupart du temps, la réponse, mais ça n'en vaut pas la peine. Oui. Ce que je fais est normal. Donc j'écris, je dis tout bas, etc. C'est ça qui c'est terrible. L'histoire, elle continue à être faite par les nantis et oui, etc. Ce qui est aujourd'hui là. Oui, parce que dans la vie qu'on voit à travers les minutes du préfet, c'est une vie très dure quand même, parce qu'ils travaillaient tous, mais c'était pas facile. Hein. Non, c'est une vie très dure. Hein. C'est pas... Et donc après, il y avait la réunion de manière qu'ils avaient, les rencontres, parce que je pense que tout devait pas se passer à ces réunions-là. Ce serait trop simple, parce qu'on le sait, ce serait trop simple. Et donc, toute cette équipe, Paul Trichet, tous les dimanches matin, en train de vendre le Libertaire, place Saint-Cernin. Au niveau anecdote aussi, elle nous a montré, c'est dans mon astuce. C'est le marché populaire. Oui, c'est les puces. Un des marchés. Ah non, le plus populaire, c'est Saint-Cernin. Hein. Ah oui, oui. C'est Linké. C'est l'équivalent de Noël. Et elle nous disait aussi, enfin, dans ce cahier, parce que c'est un cahier pareil, on a sorti ça là, c'est un cahier de chansons. Et c'est les chansons qui chantaient dans la rue, les chansons révolutionnaires. Donc je veux dire qu'ils avaient leur boulot, puis tout ça est très présent. Hein. C'était pas du tout artificiel, c'était du vécu, c'était vraiment du vécu. Je pense que quand Sébastien Faure venait à Toulouse, ou un autre, hein, qui venait à Toulouse, il savait où il mettait les pieds, il y avait du répondant, il y avait quelque chose. Ça pouvait rester sur le très localisé, il n'en faisait pas plus que ça. Hein. L'autre chose, par exemple, c'est Trichet, il a été correspondant, ça sonne bien comme ça, mais Trichet, il a été correspondant du Monde du Libertaire au Congrès de Saragosse en 1936. Bon, il fallait 1936, bon, il devait savoir parler espagnol et comprendre l'espagnol, mais il fallait. Voilà, c'était quand même une personne mandatée, voilà, c'était pas. En même temps qu'ils avaient une vie locale très intense, très fournie, dans l'environnement moyen, ils avaient aussi cette, cette capacité à vivre de l'extérieur et à répondre à des besoins. Des questions ? Ben, tu peux nous dire un mot sur les éditions, sur le coquelicot peut-être ? Tu peux présenter ce que vous faites, quels sont les projets ? Et nous dire qu'on sortira. Voilà, on a parlé au début. Je vais te dire comment dit le copain, il va dire cette semaine je termine. Mais après, il faut qu'il passe à l'imprimerie et tout. Non, on a pris 6 mois de retard, ça. Le copain, il faut bien qu'il bouffe, il est tombé du boulot, il a commencé à travailler, et puis le bouquin, il a mis sur le tout. Ça, c'est Chisako. Oui. Donc, on a sorti... c'est vrai que, bon... moi, je dois tirer un peu la charrue. Enfin, je veux dire, je dois... c'est très branché sur l'Espagne, ce qu'on fait. Je suis le seul espagnol du groupe, alors. Hein. C'est... Ah bon. C'est bien qu'il est né en France, hein. Oui. Là, le dentier, je suis. Voilà, montre où t'es né, là. Ouais, non, là, c'est pas moi. Non, mais ça aurait pu être moi. Ouais. C'est mon père. J'ai des photos, mais il a le cas, regardez. J'ai des photos. Et donc, on est du côté du Coquelicot, on est un peu tourné sur l'Espagne, parce que, bon, c'est quand même intéressant. Et pas que l'Espagne, parce qu'on on va publier les 2 autres numéros de l'almanach du Père Pénard. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la Farosane, on a fait ça, c'est les chroniques qu'on faisait sur le journal Coquelicot. J'avais des trucs d'Isrine aussi sur... Et Isrine, l'Idigeland et l'affaire Dreyfus. Et après, sur l'Espagne, on a fait le Ponsan, on a traduit, on a fait le Francisco Ferrer, on a fait les collectivités espagnoles de... 36-39. Ça, c'est une réédition. Oui, c'est une réédition. Non, on a des sous, alors on a mis. Ah, d'accord. De quoi ça tient ? Et on a édité aussi celui-là, sur les. Après la guerre de 1945 jusqu'en 1975, comment les Espagnols, en termes culturels, se sont réorganisés sur Toulouse un peu la région, et comment ils ont, culturellement, ils ont pu supporter le franquisme, culturellement, parce qu'après, il y a toute une histoire politique, tout ça. Mais que c'est entremêlé quand même. Hein. Et donc on va publier les mémoires de Cipriano Mera. Tu veux en dire deux mots sur Cipriano Mera, parce que c'est un personnage important. Oui. Oui. Que c'est des textes qui sont inédits en français. Oui, c'est les mémoires qu'il a. Il a été. C'est un maçon. Il est maçon. Hein, en 36, il est maçon à Madrid et il est en prison, à la Modelo. Il est maçon en bâtiment. Il est maçon. Ah oui. Le reste, ça ne se dit pas. Je ne sais pas. Et il est maçon dans le bâtiment, il est en prison, et il est en 36, quand il y a le coup d'État, il est libéré, il ouvre les prisons, il est libéré. Et à partir de là, il rentre dans la bagarre jusqu'en 39, mais il reste à Madrid. C'est-à-dire que Madrid est encerclé, hein, pratiquement, sauf la partie qui part sur Valence, comme ça. Il reste à Madrid, et il organise, alors il raconte dans son bouquin, il se trouve que c'est intéressant, parce que, il dit qu'au départ, les gens se sont jetés sur le front, en chemise, quoi, hein. Il y avait un sandal, et comme il dit lui, c'était tous des antimilitaristes, on était tous des antimilitaristes, et on ne savait même pas servir un fusil. Et il se jette, bon, il y a des massacres, vraiment, les gens se font tuer. Et donc il commence à émettre l'idée qu'il faut quand même donner un minimum d'instruction militaire. Et donc il commence comme ça, instruction militaire, et puis instruction militaire. La guerre dure 3 ans, le front s'installe, l'État espagnol, la République se reconstruit, on va dire, enfin, dans la zone libre, comme ça. Ou libérée. Il se reconstruit avec gouvernement, état-major, et tout ce qu'on voudra. Donc il se retrouve coincé à se dire si on reste, c'est son analyse à lui, mais en fait, c'est plus précis que ça, il faudra le lire. Si on reste dans l'état simplement de milice, et si on attend simplement qu'on nous donne des ordres pour intervenir sur le front, on va se faire avoir. Tant plus qu'il y avait les communistes qui commençaient à monter, avec l'Ister qui était là et Campesino, ils étaient à Madrid, ils commencent à monter des régiments, tout ça. Donc, il accepte, il rentre dans l'idée, et il crée le corps d'armée, le 5e corps d'armée, enfin, il crée. Il accepte le commandement de ce corps d'armée, dans lequel il n'y a que des miliciens, mais donc se crée une hiérarchie militaire dans le corps. Même si, comme il dit, les chefs des centuries ou des unités étaient nommés par les soldats, la responsabilité n'était plus la même. Quoi. Donc il en parle, tout ça. Et lui, il devient général. Il devient général de corps d'armée. Donc c'est un personnage qui a créé la polémique au sein de la CDT, parce qu'il y a eu toute la polémique entre la militarisation et l'hélice, ça, une grosse polémique, c'était plus que une polémique. Donc la guerre est finie. Madrid, c'est le dernier bastion qui tombe, hein, qui tombe au mois de mars. Alors que Barcelone tombe au mois de février, au mois de mars. Ça, lui, avec comme il fait partie de l'état-major, ils essayent. Bon, il faut lire le bouquin parce que le dire comme ça, c'est trop rapide et ça peut prêter à confusion. Ils essayent de négocier avec Franco une reddition honorable. Parce qu'on sait très bien que si on ne négocie pas les redditions, il ne sait plus que Madrid, hein, ils vont massacrer tout le monde. Franco, bien sûr, refuse. Il refuse, il n'y a pas de reddition honorable, donc ceux qui peuvent s'échapper, s'échappent, mais la grosse majorité reste à Madrid. Donc, et lui, il s'en va en Algérie. Il va en Algérie, et là, il y a en Algérie les camps de concentration comme en France. Hein, et il s'évade une fois, deux fois, il est en Algérie qu'on est patron, mais il s'évade, il se retrouve au Maroc, à Casablanca. Et à Casablanca, la police française l'arrête, et le renvoie en Espagne. Et il est jugé en Espagne, en 41, je crois, c'est 41, par là. Il est condamné à mort, le temps passe, il est condamné à vie, à 30 ans, plus un jour, dans la vie. Et ensuite, il sort en 47 sur le plan sous la conditionnelle. Je veux dire, et en 47, il est emmerdé, il n'arrête pas de l'emmerder et tout. Il est délégué par la CNT, il vient en France. En 47, il passe la frontière maximale et il s'installe en France. Et là, il reprend, comme il dit, tout le monde, il reprend la truelle, il remonte sur les chapeaux, il reprend son boulot de. Et c'est très intéressant parce que, enfin moi en tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans le personnage, c'est qu'à un moment donné, il prend une décision qui va en contre-sens de ce qu'il est. Hein. Il n'est pas du tout, fondamentalement, il n'est pas d'accord avec la hiérarchie militaire. Lui, enfin, et même de la guerre quoi, et de l'armée, il est complètement opposé à ça. Et il prend une décision qui va complètement en contre-sens de ce qu'il est. Donc voilà. Et alors ses archives, enfin, les mémoires qu'il a écrit, en fait le compte il les perd, il a refait tout de mémoire. Hein. Il les perd parce que c'était son secrétaire qui tous les jours inventait des choses. Il avait le secrétaire, il avait des choses. Il les a perdus, il doit de mémoire, il reprend tout, donc c'est pas tout à fait celle qu'il avait qui était, il paraissait un peu. Donc voilà, le problème qu'il pose de lui, comme d'autres dans la problématique de la guerre d'Espagne, c'est comment les uns et les autres, dans un camp. On va dire assez défini comme la CNT, une idéologie bien, on va dire assez précise, comment les uns et les autres se sont retrouvés dans des situations où comme ils ont pris des décisions qui les ont mis au banc un peu de l'organisation. Ils ne les ont pas mis parce que je veux dire qu'après, mais là il est venu, il a vu une vie organique fait, d'organisation en France, il a été la CNT, il a fini par être expulsé quand même parce que. C'était l'autre passé pour certains rapportés. Il voulait faire payer quelque chose, il devait payer, il a fini par l'expulser. Mais il a participé à ce qui s'est créé dans les années 60 sur le terrain, ODI, Défense Intérieure, une organisation qui s'était créée pour tuer Franco, en fin de compte, en 60, 61. Il y avait la CNT, la FIL et la FAI qui avaient décidé de créer un groupe pour aller tuer Franco à cette époque-là. Et il a participé à ça. Mais bon, ça n'a pas marché, puisque Franco est mort en 1915, dans sa vie. Pas tranquille, mais dans sa vie quand même. Mais il a eu une vie organique, hein, quand même, après la guerre, tout ça. Mais donc, tout le côté militaire, c'est pour lui, ça a été un épisode de sa vie qui était comme ça, quoi. Et donc, il y a un autre personnage, on a traduit aussi le texte, parce que ça a été écrit en espagnol, mais ça n'a jamais été traduit. L'autre, c'est les mémoires de García Oliver. García Oliver, c'est le compagnon de route, plus ou moins, de Durruti, à l'année 30, qui faisait du coup de. Il était serveur comme profession, García Oliver, c'était serveur, hein, c'était un catalan. Et pendant les années 30, il faisait le coup de main avec Durruti et compagnie contre le pistolet lors des patrons et tout ça. Bon, c'était un personnage, quelques hommes d'un peu par-ci et par-là, dans les années 30. Et Alors là, bon, dans sa trajectoire personnelle, on va dire, mais aussi organique, il est devenu ministre de la Justice de la Seconde de la République. Un des quatre ministres. Oui. Dans le monde central. Oui, oui, de la République, cela. Oui, oui, oui. Oui, oui. Avec lui, il y avait Lamosselli qui était ministre de la Santé. Il y a eu l'autre, Lopez, je crois que s'appelait ministre de la pénitentiaire, des prisons. La Santé. Monseigneur, c'était la Santé. Oui. Garcia Olivet, c'était la Justice. Et l'autre, c'était l'un des prisons. Et les autres, c'est moins quoi, bien plus. Oui, les autres. Et donc lui, il a été ministre et puis il a fait la guerre, pas du longtemps, mais il a eu ce poste-là. Et lui, après la guerre, en 1939, il est parti au Mexique. Il a vécu toute sa vie au Mexique. Il a même lu, il a été pressenti pour venir pour créer ce groupe-là, hein, parce que c'est quand même des personnages qui avaient une expérience, on va dire. Et donc, lui, il n'est pas resté. Et ensuite, il a eu une évolution, bon, comment dire, je ne sais pas, comment dire, bon, je vais lire le bouquet, parce que moi, je n'ai pas le tête, c'est un bouquet de 600 pages, quand même, hein. Il écrit depuis sa naissance, il a écrit depuis sa naissance à sa mort, en 75, je crois. L'intéressant de c'est intéressant en ce sens qu'il y a l'épisode de Madrid qui est très peu connu, y compris dans le mouvement libertaire, hein, de la phase finale de la guerre, oui, l'épisode de Madrid, la Junta Casado, oui, le règlement de compte avec le PC, oui, le PC qui veut continuer à garder, y compris avec tous les moyens de Moscou, pour essayer de garder un dernier carré républicain, complètement isolé, une enclave républicaine à Madrid. La Junta Casado avec Cyprien Lomera et son régime, qui essaie de négocier une paix honorable, une sortie honorable, tous les débats que ça peut poser. Hein. Bon, question subsidiaire, que serait devenu, dans l'hypothèse où le PC aurait réussi à négocier son enclave, que serait devenu l'enclave au moins une partie de 40 ans soviétique quelques mois après Mais bon, donc, il y a tout cet aspect-là sur les mémoires diplomatiques qui est essentiel pour connaître la sortie, la phase ultime de la guerre civile, et bien toutes les rancœurs supplémentaires après mai 37, après tout ce qu'on voudra, toutes les rancœurs supplémentaires à l'exil. Parce que là, règlement de compte, évidemment, comme perdurer, oui, on traversait toute la guerre et les maquis, oui, règlement de compte entre courant et parfois à l'intérieur de même courant. Les règlements de compte sous couvert de lutte anti-nazi, il y a tout ça qui est intéressant. La sortie de 47, la libération conditionnelle à Madrid, pour Cyprien Lomera, il y a eu la même à Barcelone, c'est un moment où les frontières sont bloquées, le gouvernement franco, vraiment sur la sellette, il est persuadé de rester franco, et il y a à ce moment-là, la première fois, où il y a une délégation des Nations Unies qui est autorisée à aller en Espagne faire autour des prisons. Et donc, on vide les prisons provisoirement, on assigne à résidence des milliers de détenus politiques, histoire que la délégation passe, et on va les repêcher ensuite. Un certain nombre, on n'a évidemment pas attendu qu'on revienne les chercher, les Pyrénées sont là, c'était... C'était l'arrêt à Marseille, au genre de pointe. Voilà. C'est vrai qu'il y a une phase, pour parler un petit peu de cette période-là, il y a une phase où, quand la guerre se termine en 1939, il y a un massacre. Là, il y a un massacre. Et puis après, comme l'Allemagne commence à perdre Stalingrad et tout ça, il y a un moment où Franco n'est plus sûr de se maintenir là. Donc il y a une phase où la répression ne se fait plus de façon aussi féroce, et il y a quand même une phase, entre guillemets, des gros guillemets, très gros, d'apaisement. Mais dès qu'il est assuré, de nouveau, surtout parce qu'on a trouvé des documents à Bordeaux, là, justement, on a trouvé des documents, on travaille sur notre bouquin sur l'antifranquisme, on a trouvé des documents où déjà en 1944, les Américains ils payent la reconstruction de ports en Espagne pour envoyer l'essence en Espagne. Déjà en 1944, il y a des documents qui sont en fait, dans les archives. Hein. Donc, ça veut dire que dès que ils sont assurés, que Franco est assuré de nouveau de l'impunité, là il recommence de nouveau, c'est... expression. Non, c'est je, ce que je veux dire, c'est... Oui, oui. Non, Cavalier est intéressant dans ce sens que Cavalier fait partie des leaders historiques, c'est quand même l'un des quatre ministres anarchistes au gouvernement central, ex aequo en termes de prolétariat avec Henri Montchain. Lui, il fait partie en revanche de ceux qui partent aux Amériques, et il y a une spécificité dans l'exil, c'est vrai pour tout le mouvement, pour tout l'exil espagnol, tout le monde. C'est particulièrement vrai pour le mouvement libertaire, parce que numériquement, c'était le plus nombreux dans l'exil. Ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens financiers de prendre le bateau, ça veut dire aussi échapper à la guerre ici. Pour ceux qui ont pu partir au Chili, au Mexique, notamment en Argentine, bien sûr, partout. Mais le Mexique est à ce moment-là un pont essentiel. Le Mexique étant le pays qui n'a jamais reconnu le gouvernement de Franco. Jamais. Donc, il y avait à ce moment-là, la République en exil avait des liens privilégiés avec le Mexique. C'est pas pour rien, c'est la théorie. Mais c'est l'intelligentsia. Le premier gouvernement. Essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, l'intelligentsia du cas républicain, pour dire comme ça, qui part en Amérique. Et les provos, eux, ils n'ont pas les moyens, ils restent où ils sont. Essentiellement, c'est vous. Les communistes, ils partent en Russie. Le cadre par terre. Oui, on parle des anarchistes. L'autre acteur, c'est ce qui se frappe avec la Rationaria, Gisèle, Campachino, que c'est notre théorie de repère. Voilà, c'était pour parler un petit peu de ce qu'on avait. Bon, on a d'autres choses en projet parce que les projets ne manquent pas. Tu parlais de ceux qui ont été un peu. On dirait mal vu par les instances officielles, il y en a un autre aussi qui mériterait peut-être de se pencher un peu plus sur son cas de sortie. Parce que lui, il s'est fait casser là, par Toulouse. Oui, mais ça pose le problème. Enfin, moi, c'est le problème que ça pose, c'est que, on dit, on parlait un peu tout à l'heure comme ça, c'est la CNT pour nous. Enfin, je ne voulais pas trop mon coulisseur dessus. Moi, je vais commencer à doter là-dessus. La CNT, c'est un mouvement très fort. Quoi. C'est pas les quatre leaders, les quatre ministres, c'est pas les cinq leaders. Bon, Donut, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait survécu, enfin, s'il avait survécu au Bionda. Oui, mais moi je pense que encore une fois, la CNT, c'est le fait. Rien ne nous dit que nous avons fini à la droite de la théorie. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la CNT, c'est aussi le fait d'un tas de gens comme tricheux. Pareil, c'est un tas de gens comme tricheux. C'est des gens, en 37, c'est vrai qu'en 1937, en mai 37 à Barcelone, la faille. Je pense que c'est la fin de tous les anarchistes ont décrété que la révolution était terminée. Bon, c'est très vrai qu'elle était terminée, en termes de ce qu'on pensait que ça serait, elle est terminée. Il y a un bouquin qui est très intéressant, qui est écrit dessus par les géminologues, là, sur les fils de la nuit, c'est très intéressant, on va dire, c'est un bon bouquin. Et alors, bon, j'avais parlé avec Mercier, elle disait, Mercier, il dit, la révolution est terminée, je rentre en France. Lui rentre en France et beaucoup de Français, libertaires français, dans la colonne des internationaux, rentrent en France. Et en Espagne, qu'est-ce qui reste ? Les Italiens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, les Allemands qui ne peuvent pas rentrer chez eux, certainement des Danois, des Suédois, parce qu'on m'a dit un petit bouquin sur les Suédois aussi, que c'est quand même intéressant. Et puis tous les Espagnols qui étaient en train de toujours se battre. Et ces gens-là qui sont restés, pour parler des gens de la CNT, parce qu'il y avait aussi les militants de l'OCRT qui étaient quand même assez révolutionnaires, c'est pour cela, et qui ont participé aux collectivités, ils sont restés, ils ont continué à planter les patates, à planter le blé, à les récolter, à faire marcher les usines, et ça a duré jusqu'à 39. Et ça marchait avec des gens, comme un tricheur, je veux dire, des gens qui ne sont pas... Voilà. Moi, je pense que c'est cela qui ont fait la révolution. Alors après, la pression internationale, tout ce qu'on a fait, et puis l'épuisement, parce que c'est vrai qu'il fallait nourrir le front, il fallait nourrir les gens, il fallait supporter les bombes, enfin, c'est certain que c'était... Et le fait que les démocraties européennes avaient tout laissé tomber, ça n'a pas marché, ils ont perdu, en tout cas cette bataille-là. Mais c'est eux qui ont fait la révolution. Ce n'est pas ces gens insultés, enfin, qui sont sortis, comme d'autres, et qui ont commencé à théoriser là-dessus, et qui ont commencé à dire, mais on aurait dû, on n'aurait pas dû, c'était... Non, non, au quotidien, ils ont vécu ça. Et il y a plein, actuellement, en Espagne, il y a plein de bouquins qui sortent sur les collectivités de petits villages, comme ça, des gens qui retracent l'histoire de ce moment-là. Ils le retracent les gens, le voisin, les gens qu'ils ont connus, le pays. Enfin, faut pas dire, je veux dire, mais pour beaucoup d'entre eux, ils lettraient, quoi, je veux dire. C'est ces gens-là qui ont tenu au niveau alimentaire à la guerre d'Espagne. Ces gens-là, de cette façon-là, ils n'ont pas tenu avec la propriété privée ou avec... non, non, ils ont tenu avec les collectivités, ils ont tenu avec le fait que les payes dans ce bouquin-là, sur les collectivités, je trouve que c'est très intéressant comme bouquin parce que c'est vraiment un rapport, hein, y a pas, c'est pas de la littérature. Ils expliquent on collectivise la compagnie de navigation Barcelone-New York, on vide le curé, on ne paye plus les actionnaires, on vide le coffre, qui était plein de pognon, et on paye les marins. Les marins, pour ceux qui travaillent, les femmes des marins, quand ils étaient au front, les veuves, s'il y avait des veuves, elles étaient payées aussi, et tout ce qui pouvait rester, c'était réinvesti. Et ça fonctionnait pendant 2 ans. Après, les bateaux, ils en ont fait des hôpitaux, mais pendant 2 ans, cette compagnie a fonctionné comme ça. Et elle n'a pas fonctionné. Et ils ont été payés, je veux dire, cette histoire d'argent qui disparaît, ils ont été payés, il y avait l'argent qui circulait, et ils ont vécu comme ça. Et la compagnie a fonctionné, enfin, les gens qui ont travaillé dans ces compagnies-là, et il y en a plein de gens, tout atelier, tout comme ça, ben, ils ont eu, pendant un certain temps, ils ont eu le sentiment de vivre la révolution. Quoi. Après, il y a eu tous ces problèmes, c'est sûr. Les partis politiques, que ce soit le Parti communiste qui essayait de prendre sa place, les catalanistes de l'autre côté, enfin, et la CNT à un certain niveau aussi, c'est sûr qu'il y a eu toutes ces pressions aussi intérieures, hein, qui a fait que ça... Mais la majorité des gens, d'ailleurs la majorité des exilés qu'il y avait en France, ils parlaient de ce qu'ils avaient vécu, la collectivité, peut-être le front aussi, mais rarement ils parlaient des bagarres qui avaient entre les tendances ci, tendance là, rarement. Et c'est ça, moi, c'est qui m'intéresse, c'est ça. Et Trichet, moi, je mets dans ce courant de fonctionnement. On a des choses à dire, on est là dans ce circuit-là, dans cette histoire-là, c'est ce qui nous anime, c'est ce qu'on fait. Après, ce qu'il en restera, ce que les autres en diront, ou ce qu'il aurait fallu faire d'une façon plus... Nous faisons, je veux dire, la partition de l'Europe, qui n'a pas été faite ailleurs ça, avec Roosevelt, Staline, mais Staline ne voulait pas de l'Espagne, non, ni de la Grèce, puisqu'ils ont abandonné leurs hommes en Grèce. Ah oui, oui, oui, c'est sûr. Je veux dire, oui. ça a été utile au mouvement, puisque c'est les grands qui font toutes les partitions, et les grosses points de vue, à quoi ça sert au mouvement. Si vraiment vous n'avez pas été un peu les dindons de la force, hein, ça. On est toujours dedans de quelque chose, hein. Mais quelque part, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais dès que la révolution espagnole a éclaté, je veux dire que les Anglais étaient contre, déjà. Les Anglais étaient contre. Et toute la richesse anglaise, elle était dans les Asturies, elle était dans toutes ces compagnies minières, toutes ces compagnies industrielles, l'industrie qu'il y avait dans les Pays Bas et l'Asturies. Ils n'avaient aucun intérêt, c'est que l'Espagne, enfin, qu'il y ait une Espagne plus répartitrice des bénéfices, ils n'avaient aucun intérêt d'entrer. Ça, ils ne l'ont pas senti de suite. Mais pourquoi la France ne leur a pas donné raison? Et la France, elle s'est alignée à l'Angleterre. Parce que, elle s'est alignée à l'Angleterre. Non, la France, politiquement, elle était pour la République. Bon, c'est l'anecdote, c'est de Blum, qui dit que le jour où il a signé la non-intervention, il a pleuré. Non, la France, oui, mais économiquement, la France, c'est autre chose que la France politique. Et donc, il y a aussi la consigne d'aller se fermer les yeux un peu sur ce qui s'est passé. Mais non, il y a des intérêts économiques qui étaient au-dessus de tout ça. Hein. Anglais de David Beck sur le mouvement anarchiste en France, et dans cette époque-là, les années 20-30, il en parle un peu, comment tu le trouves? Je n'ai pas lu. D'accord. Il prend essentiellement, je crois, beaucoup la formation du diable. C'est un peu sa première source. Il est très... très proche de ce que tu dis. et la traduction est en train d'être faite, par un mot, qui devrait être publié bientôt. D'autres questions? Eh bien, on va remercier Juanito pour sa présentation, pour, déjà pour le travail qu'il a fait, de faire connaître, sortir de l'oubli de l'histoire quelqu'un qui méritait, quelqu'un, et puis ses proches, hein, bien sûr, d'être connus. Quelques-uns qui méritaient d'être connus. Et puis, on va se retrouver dans la salle, partout où vous voulez, mais notamment dans la salle à côté, autour d'un verre. Je vous rappelle donc que ceux qui ne connaissent pas le CIRA, c'est essentiellement une bibliothèque des archives, mais on a aussi un fonds de librairie, donc des livres qui, pour soutenir des éditeurs indépendants et anarchistes en général ou libertaires. Donc vous pouvez acheter les livres qui sont dans la première salle à l'entrée et sur cette table, dont le livre de Juanito et Violette, qui se fera un plaisir de vous dédicacer en souvenir de cet après-midi. Le mois prochain, on se retrouve le 3 mai pour pour l'Espagne avec un livre qui a été écrit par Sarah Berenguer. Sarah Berenguer était une militante qui a participé à Mujeres Libres, femme libre, qui a passé toute sa vie du côté de Béziers, sa vie en exil du côté de Béziers, et qui écrivait énormément d'essais, de romans, de poésie. Et le livre dont on va parler, c'est des portraits de femmes. Donc la version espagnole, c'était beaucoup de personnages, et la version française c'est limité aux femmes les moins connues. C'est un peu aussi des oubliés de l'histoire, et les personnages les plus connus ont été enlevés. Principalement espagnol. Sarah est décédée malheureusement il y a un ou deux ans à l'âge de plus de 90 ans. C'était quelqu'un de très très dynamique, qui s'était mis à l'ordinateur à 85 ans. Et c'est sa belle-fille qui va venir présenter le fils et la belle-fille qui vont présenter ce livre et la vie de Sarah. Il y a ce bouquin là qui a parlé tout à l'heure, là, qui concerne aussi encore en Espagne. Thomas a du mal à se franchir la rivière tête. Pourtant, il a été lycéen à Marseille, mais il a du mal à faire revenir pour venir le présenter. Voilà. Peut-être que j'ai réussi à rien, c'est ce que vous avez pu dire. Ce livre, c'est ce dont vous a parlé Juanito, c'est le mouvement défense intérieure, donc tout le mouvement clandestin, c'était les jeunesses libertaires et les actions qu'ils ont menées pour tuer Franco, mais d'autres actions, ils ont enlevé un représentant du pape, par exemple, entre autres actions. Voilà. Thank you.